Abidjan n'est pas loin. Abidjan pourtant est si loin. Parce que tu es là-bas, Inji. Mon Inji Koweït. Nisa yamawa, joba kali tonton fila, koyanga mesi yamawa, sango na mungaye, Willy Carlos yamirangaye. Azala kiawaye, yambote butwe kota namboka, tongo banda etanaki, ata ele mbote nanzilo akeye. Azala kiawa, akomisa ki bonheur moninga langa, tongo banda etanaki, ata ele mbote nanzilo akeye. Oleki wapi, baba mani wapi, yaka kaboma, matoyo pelisaki, yaka kubukae, bamur yabaloko nangai. Naboyi nazala, marama waramboka bisengo vomo enji. Oto atabatika ye, nalili dan enji. Tanjour ba meme la kaye, mwa bouquet de fleur. Tomo kouti akipon, entre ngayi na paradis. Elo na komina kati kati, boni akomi kokoma. Oselu na maboko mangai enji. Voilà maman, est-ce qu'on causera jamais ici? Voilà Zaka Olingi Nini Nasala. Et alors, Amourango, est-ce que Zaye Akramouge, est-ce qu'on assure? Ikolo ebele, le kiaozo mitungi sa semponaye. Avant Angie dans mon cœur, il y avait de la place pour 5, 6, 7, voire 10 amours. Depuis qu'Angie tu es venu dans ma vie, mon cœur paraît bien petit pour contenir tout l'amour que je te porte. Alingi ninya lobi ninyo salanini. Osekate olobate ominganate. Pourquoi toujours nga ikozwa kasinga. Amour okuta kinga moto okomyo kende otikanga. Izengi mawa isimbi tristesse. Lanzoto e boya ke lamba, babo sananga ite auko ke na marcoye, enjinga moteme ko bongate, akoti kananga kole la semoko loko yae. Olingo na iwe ya kina kongulunga, ele meminga na mokongo e komi ko ke nananga, na banzela we unga inanu, na lukakate. mon pepe le kaka e kombe la kanga lupango kasi yon banda o le kaolo na mbonge na motema nanga yenji kowete itoko ele ki okolo le komisi nai lokola analfabet zaba mwona mwore komi mpasye yangoran zembo nanga ouye demu jemi mon coeur olingo nanga la bwe suka lokola ndoto ya babay. Les anciens et les années fêtes, y a bonne année. Vivence, Billy Abel, Charles Moinadet.